10194. Dans le système de Canopus brille un tout petit astre orangé brun aux calottes glaciaires peu garnies. Ce petit astre sans envergure est pourtant le centre de l'univers. Les astronomes impériaux lui donnent le nom d'Arrakis, mais ses habitants et l'empereur lui-même le surnomment Dune. Ce petit monde qui orbite avec 5 autres planètes autour de l'étoile blanche de Canopus entraîne dans son sillage 2 satellites naturels, 2 lunes du nom de Creln et Arvon, ou lune de Muad'Dib, en raison du dessin en forme de souris que cet astre semble arborer. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ce satellite artificiel entièrement fait de métal et de céramique, long de plusieurs kilomètres qui orbite autour d'Arrakis. Un long courrier de la guilde spatiale, dont les cales sont remplies à ras-bord de frégates de combat revêtues du faucon stylisé des Atreides. À son bord, l'empereur Muad'Dib et son proche entourage, votre serviteur compris, se préparent à partir à l'assaut de Viridel 7. La tension est à son comble. Seigneur Muad'Dib, vous comptez les laisser continuer longtemps? Que voulez-vous? J'ai promis de faire d'Arrakis un paradis, mais je me suis peut-être un peu engagé à la légère. J'ai peut-être le pouvoir de voir l'avenir, mais faire tomber la pluie, c'est pas encore dans mes cordes. Avec les autres qui chantent comme des gamelles, en revanche, on a peut-être une chance, non? Vous en pensez quoi? Non mais vous êtes sérieux? Nous sommes censés traverser l'univers pour aller annihiler un monde, et vous, vous organisez un karaoké? D'abord, j'ai rien organisé du tout. Quand une fois de plus, à peine arrivé à bord, le patron du Vladimir's Bar, le tenancier du Martignac et le chauffeur du Tlalax Express ont commencé à se bouffer le nez, il a bien fallu trouver quelque chose. Mais peut-être, mais votre mère, qu'est-ce qu'elle a comme excuse? Ah bah elle... C'est une révérende mère du Bene Gesserit et la mère de l'Empereur. C'est beaucoup de pression, elle a bien le droit de se lâcher de temps en temps, j'imagine. Ah mais c'est d'ici que ça vient! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah non! Tiens, Sorette! Attendez, cette gamine de 3 ans qui parle comme une adulte, c'est... Ah oui, c'est vrai, vous êtes pas encore rencontrée. Alia était en pèlerinage sur Caladan. Elle est arrivée par un autre long courrier ce matin et elle a effectué le transbordement pour nous rejoindre quand elle a su que nous partions en guerre. Belle pirouette pour expliquer pourquoi je n'arrive qu'à l'épisode 16. Alors que la vraie raison, c'est que ma comédienne n'avait pas encore été recrutée. On n'avait pas dit qu'on arrêtait avec les blagues méta. Si, on l'avait dit, mais Alia n'était pas là. Bon, et eux là? Ils sont sortis quand du conservatoire de musique? Putain, Paul, t'as de la cire dans les oreilles ou quoi? Mais t'entendais pas que ça ressemblait à rien? J'ai cru qu'on était en train d'égorger un limachon là-dedans. Vous venez de rater un débat assez intéressant à ce sujet, dame Alia. Qui c'est, celui-là? Alia, je te présente mon chroniqueur officiel. Comment vous vous appelez, déjà? Aucune importance. Ouais, mieux vaut garder l'anonymat, hein. Continuez de m'appeler le chauffeur, ce sera très bien comme ça. Le jour où il y aura un putsch, j'ai plus de chances de m'en sortir comme ça. Oh, moi, ça me dérange pas, hein. Mon vrai nom, c'est Yves. Yves? C'est original. C'est un prénom qui date de l'ancienne Terre, si je ne m'abuse. Ouais, ça, je sais pas. On était une famille nombreuse et comme j'étais le quatrième, ma mère m'a appelé Yves. Mon frère aîné, il s'appelle I-I-I. C'est pas facile à porter, hein, d'autant qu'il rigole jamais. Ah ouais, c'est comme X. Elle s'appelle comme ça parce que c'est la 9e planète du système. Ils sont pas foulés, les gars. Vous seriez pas en train de vous foutre de la gueule de ma mère, par hasard? Parce que si c'est ça, on peut régler ça dehors, si vous voulez. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Je vous préviens, s'il vous reprend l'envie de me casser les noyaux, ce long courrier a des sas tout le tour du ventre. Je peux facilement vous organiser une mission d'exploration du vide sidéral, si ça vous dit. Le coup de pied au cul qui ira avec, ce sera cadeau de ma part. Mais tu les as trouvés où, ceux-là? Je t'expliquerai. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, pendant que toi, maman et les petits copains, vous vous amusiez à pousser la chansonnette, je suis allée jeter un œil au tableau d'affichage du départ, moi. Oh, c'était pas la peine. Le départ est prévu dans une demi-heure. Eh bien non, plus maintenant. À présent, c'est, je cite, « départ reporté jusqu'à ce que nos revendications soient entendues par le divin et céleste Muad'Dib, loué soit son nom. » Je sais pas si ça s'entend à l'audio, là, que je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette tisane? Donc c'est bien ce que je pensais. T'étais pas au courant. Bon, allons voir de quoi il retourne. Suivez-moi. Mère, appelez Gurney. Il nous retrouve au centre de contrôle. Quelques instants plus tard, au centre de contrôle du long courrier de la guilde... Ah, tiens, j'ai gagné mon pari. T'avais dit qu'il tarderait pas à se rallier. Oh non, merde. Mais ça sent Solaris. Allez, à boule le pognon. Ça va, on vous dérange pas? Oula, Mais va se calmer, le petit monsieur aux yeux bleus. Non, mais vous savez à qui vous parlez? Ouais, vous causez à l'empereur Moadib, espèce de roturier. Savez-vous seulement ce que vous risquez, bande d'inconscients? Ouais, t'entends ça? C'est trop drôle. Ouais, ça se tord. Je suis pas sûre de comprendre la blague, là. On se le fume direct ou bien? Attendez un peu. Je sens venir le truc, là. Vous êtes sur un vaisseau de la guilde, mes cocos. Ici, y a pas d'empereur, pas de laquais, pas de suivant, pas de bâcheur, ni de bourzec. Ouais, ici, y'a que des clients. Des clients qui doivent payer leur droit de passage. Et les resquilleurs, on n'aime pas ça. Hein? Mais qu'est-ce que vous nous chantez, là? Ouais, c'est bien ça que je vois se dessiner. On va rigoler, je pense. Le navigateur Edric vous attend dans le module de repliage d'espace. Il a dit qu'il allait falloir que vous discutiez des conditions. Tu vois, lui aussi, je suis pas sûr qu'on l'entende à l'audio, hein, qui fait des guillemets avec ses doigts. Ça se dit, ça? Repliage d'espace? Il me semble bien, non? Laisse-moi faire, Paul. Je leur prépare une mort lente, dans la pure tradition Fremen. Ils vont me supplier de les achever. Je vais commencer par le grand, là. Je vais le faire couiner comme un mulot. Tu vas rien faire du tout. Déjà, on va aller voir l'homme de l'Atlantide dans sa cuve, là. Et on va discuter. Vous deux, ouvrez le sas. Navigateur? Le passager Paul Atreides et son escorte demandent audience. On est obligé de subir ça? Laisse, Gurney. Il est de mon bon plaisir de les recevoir. Faites entrer. Bien, navigateur. Il est du bon plaisir de... Ça va, on avait compris. Ouvrez-moi ce satané sas, on va pas y passer la journée. C'est bon, c'est bon. Bonjour, bonjour. Shield Eric, comment on se retrouve? C'est Edric. C'est rien du tout, c'est quoi ce bordel? Moi je prends l'apéro avec mes potes en appréciant de la bonne musique, j'attends peinard que le vaisseau replie l'espace pour Veritel 7, et là, qu'est-ce qu'on vient me rapporter? Que le départ est délayé. Vous pouvez me dire ce que vous espérez? Ne nous emballons pas, Seigneur Moadib. Nous allons discuter comme deux êtres civilisés. Oh mais moi je suis on ne peut plus civilisé. Mais regardez un peu qui j'ai avec moi. Ma sœur Alia ne connaît rien aux subtilités de l'Imperium. Elle a été élevée dans les sièges Fremen. Son passe-temps préféré, c'est d'achever les blessés sur les champs de bataille, souriant, cheveux au vent, le kriss à la main. Comment voulez-vous que je la raisonne? Hein, Alia? Montre au monsieur comment t'es pas contente. Fais un effort, bordel. Votre sœur de combat ne m'impressionne pas. C'est vous qui êtes en position de demandeur, pas moi. Vous avez besoin de la guilde pour maintenir une cohésion dans l'Imperium. Vous avez besoin de la guilde pour aller visiter Caladan, X, Richesse, ou pour incendier Veridel 7. Si je refuse de replier l'espace, vous restez coincés ici. Mais c'est pas vrai d'entendre ça! Et toi, tu dis rien! C'est pas si simple, Gurney. Il a pas tout à fait tort. Il nous tient par les rognons. Je ne comprends pas. Vous nous aviez dit que ça allait, je cite, nous coûter un bras. Tu vois, elle aussi, hein, les guillemets. Hein. Et nous vous avons donné une avance d'1 million de Solaris. Ce n'est pas ce que j'appelle resquiller. N'ayez crainte, Dame Jessica de l'Étrange. Votre avance a bien été prise en compte. Mais nous nous sommes dit avec mes collègues que ce serait peut-être le moment idéal pour négocier nos accords avec le trône. Notamment en ce qui concerne notre allocation annuelle d'épices. Ah, vous perdez pas le nord. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. J'ai dû vous dire un truc du genre, et là je cite, vous pouvez aller vous gratter. Et voilà, lui aussi. C'est moi qui ai pas le truc, je pense. Oui, vous nous reprochez toujours d'avoir assisté l'ancien empereur Shadan IV et le baron Harkonnen dans le massacre de votre famille. Oh, juste ça, une broutille. Nous n'avons fait que pour voir le transport. Oh bah oui. Nous avons juste voulu rendre service. Nous ne savions pas qu'ils allaient exterminer les Atreides. Oui, Alia, il y a des guillemets, encore un aparté, ça va mal se mettre. Ça vous arrangeait bien. Vous saviez que l'avenir me concernant était trouble. Vous aviez peur de ce que je pouvais devenir. Ce n'était pas que l'Empereur et le Baron. Vous étiez aussi impliqués qu'eux. Ce n'était pas qu'une simple histoire de taxi. Toujours est-il que nous sommes là, aujourd'hui, face à un dilemme. J'aimerais beaucoup, voyez-vous, vous amener à destination. Mais d'un autre côté... La perspective de devoir tirer la langue pendant encore un an pour avoir assez d'épices ne m'emballe pas tellement. J'ai le pouvoir de détruire l'épice, vous savez. Vous avez déjà usé de ce bluff une fois. Bis repetita non placent. Je vois. Non mais Paul, tu n'envisages tout de même pas de céder? Je vais réfléchir à votre quête, Edric. Quoi? Ah. Vous emballez pas, j'ai dit que j'allais réfléchir. Mais enfin, Paul! La ferme, Alia. J'ai besoin de méditer sur tout ça au calme. Je vais m'isoler dans mes quartiers. Je n'y suis pour personne. Vous, le chroniqueur, vous venez avec moi. Bah pourquoi lui et pas nous? Parce que lui, il me casse pas les arpions ni les oreilles. Et puis, sans moi, pas d'histoire. Bon, vous venez. Voilà, voilà, j'arrive. Bon, nous on retourne au karaoké? Oui. Sans moi, je vais aller affûter mon Chris. Je sens que je vais avoir du dépiautage à faire. Un peu plus tard, dans les quartiers de Mouad'dib... Ah, enfin un peu de calme. Vous êtes un petit malin, si vous me permettez. Moi? Comment ça? Disons que je commence à vous connaître. Avouez que vous êtes bien content que nous soyons bloqués ici. Petit futé, là. Ça ne vous dit rien du tout de vaporiser Viridel 7, n'est-ce pas? Non, rien du tout. J'ai pas le choix. C'est pas moi qui décide. Dame Shani? Oh non, pas elle. Mais les Fremen. Arrakis. Je suis leur prisonnier, leur instrument. Comme la reine des abeilles est l'esclave de la ruche, je suis l'esclave de l'Imperium. Tout ça à cause de cette prophétie qui se réalise d'elle-même. Je ne suis pas sûr de comprendre. Depuis le temps que je vous raconte mon histoire, vous n'avez toujours rien compris. Le Bene Gesserit implante une foutue prophétie sur Arrakis et moi, j'arrive là-dessus avec tous mes pouvoirs et tous les attributs du Messie annoncé. Et puis, il y a eu cette fichue cérémonie de l'eau de la vie, là, celle au cours de laquelle ma mère est devenue révérende mère. Le taux, cette espèce de télépathie de groupe générée pendant l'orgie d'épices suivant la cérémonie. C'est là que les Fremen ont partagé mes visions du djihad à venir. Ils ont vu ce qui me hantait, mais eux, ils l'ont pris comme une vision divine, comme un dessein, un but, alors que moi, c'est ce que je voulais éviter. Aujourd'hui, toutes les guerres menées en mon nom sont orchestrées par la Kizarat. Je ne peux rien empêcher, rien. Alors si on doit rencontrer un petit contretemps, moi je vais pas m'en plaindre, ça me fera des vacances. Oula, oula, ça fait beaucoup d'infos là. Vous pouvez me répéter tout ça un peu plus lentement, que je sois sûr de bien comprendre? À votre avis, pourquoi je vous ai fait venir avec moi? Allez, prenez votre nécessaire de prise de notes et faites votre truc là. Mon truc? Eh oui, votre truc, je cite. Ah mince, c'est vrai que les guillemets avec les doigts à l'audio, c'est moyen. Donc je disais, je cite, et maintenant un nouvel épisode de... Je vois. Et maintenant, un nouvel épisode de Dune. Épisode 16, Alia. 10191. Paul et sa mère Jessica ont trouvé refuge parmi les Fremen après l'extermination de la maison des Atreides par les Harkonnen. À peine arrivé au sein de la tribu, Paul a été contraint d'affronter Jamis en combat singulier et de lui donner la mort. Jessica, quant à elle, a été dans l'obligation d'accepter la charge de Sayadina afin de trouver sa place au sein de la communauté. Mais elle ignore qu'une autre épreuve, beaucoup plus redoutable, l'attend au siège Tab. Nous arrivons bientôt. Mais comment tu m'as fichu ce capuchon, Usul? Protège ton front! Tu y perds toute l'humidité de ton corps! T'en as pas marre de me materner? La ferme, vous deux! Le désert vous entend! De toute façon, nous sommes presque arrivés. Nous recevons déjà des signaux codés en provenance du Sietch. Où ça? Je vois rien. Seul un Fremen expérimenté peut le percevoir, Usul. Il faut être à l'écoute du désert. Cette chauve-souris, là! Bien joué! C'est un Cielago. Et c'est surtout un distrance. Un distrance? Un signal codé inscrit dans le cri de l'animal. Cela marche aussi avec les oiseaux. Il peut être lu par un autre distrance. Par exemple, celui-ci est en train de nous dire que... Oh non. Quoi? Une mauvaise nouvelle? Shani... Laisse-la tranquille, Usul. Nous en parlerons arrivé au Sietch. Un peu plus tard, la troupe franchit les portes étanches du Sietch Tabre. Un immense réseau de cavernes constituant le repère de la tribu de Stilgar. Nous pouvons relâcher la discipline du distill maintenant. Mets-toi à l'aise, Usul. Ouah, ça ouinfle là-dedans. Ah, les odeurs de la maison. D'après ce que je sens, vous manufacturez des objets ici. Du plastique et... Tiens, tiens, des explosifs chimiques. Vous sentez tout cela rien qu'à l'odeur, Sayadina. Tout à fait. Ça, et le remugle des corps mal lavés, bien entendu. Bien entendu. Ah bon, vous trouvez? Mais c'est ce qui fait votre charme. C'est quoi toute cette agitation? Tous ces gens qui vont et viennent avec les bras chargés de paquets? Le repos sera de courte durée, Mouad'dib. Les Sardaukar ont décidé de lancer un pogrom contre les Fremen. Bientôt, ils seront à nos portes. Nous devons quitter cet endroit dans les 2 jours. Nous allons devoir réunir le conseil et faire venir la révérende mère Ramalo. Nous redoutons qu'elle soit trop vieille pour faire le voyage. En attendant, nous commençons déjà à tout empaqueter pour que les bouchers ne trouvent rien quand ils arriveront ici. À ce sujet, tu as entendu la nouvelle ? Ça a été confirmé. Pauvre Chané. Bah non, personne m'a rien dit. On discutait dehors tout à l'heure, et puis il y a eu ce message apporté par la chauve-souris, là. Et puis elle a plus rien dit. Et puis dès qu'on est arrivé, elle s'est barrée. Nous venons d'apprendre que Liet a été tuée par les Harkonnen. Ça a été maquillé en accident d'ornithoptère, mais nous savons que c'est une feinte. Il a été exécuté. Liet Kynes ? Le docteur Kynes ? Lui-même. Oh merde. Et, attends. Chani, fille de Liet. C'était son père ! Où est-elle ? Il faut que je lui parle. Plus tard, Usul. Alors c'est ça qui a vaincu mon Jamis ? Mes enfants ont été rendus orphelins par un autre enfant ? C'est une blague. Usul, je te présente Ara. C'était la femme de... Jamis, oui merci, j'avais bien cru comprendre. Elle a pas l'air commode. Est-ce qu'il va encore falloir que je tue quelqu'un aujourd'hui ? Ce sera inutile, Usul. Tu as vaincu Jamis en combat singulier. Tout comme tu es responsable de ses enfants Kalef et Orlop, tu es également responsable de Ara, ici présente. En quelle qualité l'acceptes-tu ? Hein ? Oh non, merde ! Mais ça ne s'arrêtera donc jamais ? Dans quel pétrin t'es-tu encore fourré ? Ara peut être ta femme ou ta servante. C'est à toi de décider. Attendez. Je suis encore jeune, tu sais. Tout le monde me dit que je ne fais pas mon âge. Cesse de minauder, Ara. C'est un sujet sérieux. Usul, que décides-tu ? Nous n'avons pas la journée. Il y a beaucoup à faire. Faut voir. Si je la prends comme boniche, je peux changer d'avis après ? Mais... Silence ! Tu as 1 an pour changer d'avis. Après quoi, Ara recouvrera sa liberté. Bon, bah, boniche alors. Mais je suis jeune, hein. Silence, servante. Montre-moi mes quartiers. Exasol. Pardon, j'étais pas prêt. Il a la voix étrange. Qu'est-ce que tu nous as amené là, Stilgar ? Sa mère est une Bene Gesserit. Et elle m'a vaincu en combat singulier. C'est le Lissan Al-Gaïb ? Cela reste encore à déterminer. Maintenant, montre ses quartiers à ce garçon. Tes désirs sont des ordres, Usul. Ouais, alors, juste, vous pouvez arrêter de me parler comme ça ? Vous me mettez grave mal à l'aise. Je suis même pas majeure, vous savez. Vous pouvez aller en prison pour ça. Hein. Désolée, Ara, mais j'ai dit proms pour celui-là. Je vais prendre le relais, si tu veux bien. Mais je suis... Jeune, oui, on a compris. Viens avec moi, Usul. Je vais te faire visiter. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là ? Merci, Chani. Tu m'as tiré d'un sacré mauvais pas. Je t'ai vu la première. Ce n'est pas leur fichu Adlantal qui va y changer quoi que ce soit. Si tu le dis. Sinon, comment tu te sens ? Je viens d'apprendre pour ton père. Il avait placé de lourdes obligations sur mes épaules. Si je peux faire quoi que ce soit... Je le pleurerai quand le moment sera venu. D'accord. Tiens, c'est quoi, là ? La manufacture de distil. Si tu dois réparer le tien, tu pourras l'amener là. Là, c'est la fabrique de plastique pour confectionner des collecteurs de rosée. Et là... Une école ? Vous faites la classe au marmot en plein pendant l'évacuation ? L'enseignement ne doit jamais s'arrêter. C'est ainsi que nous pourrons changer le visage d'Arrakis et en faire un paradis. Nous ne cessons jamais de former les générations futures. C'est un plan qui doit se dérouler sur plusieurs centaines d'années et qui ne doit souffrir aucun répit. C'est le père de mon père qui nous a insufflé cette vision. Mon père l'a perpétuée et je la perpétuerai aussi. C'est impressionnant. Et ça, c'est quoi ? C'est la volière, là où nous conservons les cielagos pour envoyer les messages distance. Tiens, regarde celui-là. C'est celui que tu as vu dehors tout à l'heure. Il s'appelle Kiki. Il a l'air de bien t'aimer. Mais c'est qu'il est mignon tout plein. Salut Kiki. Aïe ! Il m'a mordu ce con ! Ah oui, ça peut arriver. Tiens, voilà mon distance personnel. C'est une chouette. Elle s'appelle Edwige. Très pratique pour envoyer du courrier. Mais ça marche comment exactement ce truc ? C'est très simple. Tu enregistres ton message dans cet appareil-là. Le message est encodé et intégré au cri de l'animal. Une personne à l'autre bout devra posséder l'appareil distrance permettant de décoder le message. Trop fort ! Je peux essayer ? Si tu veux, mais vite alors. Tiens, prends l'encodeur distrance et parle dedans. Ok, je vais enregistrer ma voix, là. 1, 2, 2, poil de mes couilles de merde, poil merde ! Est-ce que tu peux être con ? Et maintenant ? On appuie ici. Le message est envoyé au récepteur à la base du cou de Kiki, là. Et voilà, tiens. On va le faire s'envoler jusqu'à l'endroit où se trouve Farok, là-bas. À l'autre bout de la caverne. On va voir s'il reçoit ton message. Ok, alors voyons voir. Un doigt de poil de mes couilles de merde, poil de merde. Ça papa à la tête. Oh la vache. Ça me donne une idée. Je peux envoyer un message avec un code que personne d'autre que moi ne pourrait déchiffrer. Bien sûr. Mais l'intérêt est restreint si personne ne peut le lire. Le but n'est pas qu'il soit lu, mais qu'il soit envoyé. Nous avons un point commun désormais, Shen. Je vois. Nous avons tous les deux perdu un père à cause des Harkonnen. C'est ça. Et ton message ? J'ai compris. Viens, suis-moi. Un peu plus tard, Kiki et Edwige quittèrent le siège stable et parcoururent le désert en direction de l'horizon, porteurs d'un message adressé à deux grands hommes hélas partis trop tôt. Mon père, je n'ai pas eu le temps de te pleurer. Mon père, le temps n'est pas encore venu de te donner mon nom. Je suis vivant et je devrais déjà en être heureux. Mais plus rien ne sera comme avant. Tu nous as quittés aujourd'hui, laissant ton œuvre inachevée. Sache seulement que je n'aurai de cesse de me battre pour venger ta mort. L'empereur et le baron paieront cette forfaiture, et je ne m'arrêterai que lorsque la bannière des Atreides flottera à nouveau sur Arrakis. Sache toutefois que nous n'aurons de cesse d'apprendre, de semer, de fixer les dunes avec des plantations, de récolter la moindre goutte d'eau pour changer enfin le visage d'Arrakis. Nous avons trouvé refuge parmi ces Fremen que tu appréciais tant, et dont tu avais su gagner le respect. Je te promets que je ferai honneur à ton nom en le gagnant à mon tour. Nous avons accueilli le garçon et sa mère que tu avais décidé de protéger. Cette obligation nous échoua à présent, et j'aurai à cœur de la respecter. Paul et sa mère seront désormais des nôtres. Je te promets que j'honorerai tes volontés et que tu auras ta vengeance. Adieu, mon père. Mon père, adieu. Quelques heures plus tard, Paul arpente les couloirs du Siegstab accompagné de deux jeunes garçons. Non, mais je vous ai déjà dit que c'était pas la peine de m'escorter, et je peux très bien me protéger tout seul. Demandez à votre père, tiens, il en a fait les frais. Mais c'est toi notre papa maintenant? Ah non, mais ça aussi on va arrêter tout de suite, hein. J'ai buté Jamis parce que c'était un abruti, point barre. C'est pas une raison pour que je me coltine sa marmaille en plus de votre mère qui me court après un point que c'est limite indécent. La vache, j'ai 15 ans les aminches, j'ai à peine 3 ans de plus que vous. Dis papa, c'est vrai que sur ta planète, il y a de l'eau partout? Ben... Tu as vu des batailles? C'est-à-dire que... Combien d'hommes t'as tué? Je... C'était Harkonnen? Oui, mais... C'est vrai que tu connaissais Duncan Idaho? À vrai dire... C'est vrai que c'est toi, l'Elisa Nalgaï? Qu'est-ce que l'univers? Ah, Uzul, te voilà enfin. Nous n'attendons plus que toi. Ah, Dieu merci, Stilgar, tu me sauves la vie. Dis, y a moyen de se débarrasser des deux morpions, là? Ils sont sous ta responsabilité, Uzul. Je redoutais une réponse de ce genre. Vous fonctionnez tous en mode disque rayé, ici. C'est la coutume, Uzul. Bon, c'est où la salle du conseil? Nous n'allons pas au conseil, Uzul. Entre avec moi dans cette caverne. Cela va commencer. Quoi donc? Punaise! Mais c'est quoi tout ce monde? Vous êtes combien? 10 000, dans cette seule grotte. La vache, mais... C'est ma mère, là-bas, au milieu de la foule, assise à côté de la vieille. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore un de vos rituels à la noix, c'est ça? C'est le rituel de l'eau de la vie, Uzul. Silence, à présent. Nous ne devons pas perturber la cérémonie. L'eau de la vie, l'eau de la vie... Mais la vieille Moya m'a parlé de ce truc! C'est le poison que prennent les Bene Gesserit pour devenir une révérende mère à part entière. L'épreuve consiste à rendre le poison inoffensif grâce à leur chimie interne. Si elles échouent, c'est la mort! Ma mère a-t-elle donné son accord pour... Silence, Uzul! Moi, la révérende mère Ramalo, ai vécu parmi vous durant de longues décennies. J'ai arpenté Arrakis de siège en siège. J'ai assisté à l'avènement de Stilgar et de son prédécesseur. J'ai béni les combattants avant les raids contre les Harkonnen et présidé aux cérémonies d'adieu pour ceux qui n'en sont pas revenus. J'ai béni également de nombreuses naissances. Ce fut une bonne vie, mais je me fais vieille. Je ne pourrai pas survivre à un nouvel exode. Ce soir, Jessica de l'Étrange va boire l'eau de la vie et passer au-dedans. Je lui transmettrai ma mémoire et celle de toutes les révérendes mères qui m'ont précédée. Oui, si tout se passe bien. Putain, mais pourquoi j'ai dit que j'étais d'accord, moi? Et moi, tu crois que j'étais d'accord quand ça a été mon tour? Mais on en reparlera plus tard, dans ta tête. Jessica dut-elle succomber que la tribu ne restera pas sans Sayadina. Cette cérémonie consacrera donc Shani en tant que Sayadina, à la place de Jessica. Super. Mais qu'est-ce que c'est que cette tambouille ? Nous avons noyé le faiseur. En agonisant, ce jeune ver des sables a libéré l'eau de la vie contenue dans cette outre. Jessica, il vous appartient de transformer le poison afin de devenir une révérende mère. Ensuite, nous pourrons partager. Non mais maman, tu vas pas voir ce truc-là ! Silence ! Encore un mot et je te sors pas la peau du cou, Lissanalgaïb ou pas ? Bois, Jessica. Comme si j'avais le choix. Bon bah, à la vôtre, hein. Et j'espère à tout de suite. Bah ça fait rien votre truc là. Waouh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je rentre à l'intérieur de mon propre corps, au niveau moléculaire. Je vois mes cellules, mes vaisseaux sanguins, mes globules rouges et blancs. Il en vient de tous les côtés. Par ici, fuyons. Oh, bonjour madame. Mais ne restez pas là, c'est très dangereux. Mais que... Qui est cette personne, maître Globus ? C'est la conscience qui pilote cet organisme. Mais d'ordinaire, elle ne descend jamais à ce niveau. C'est peut-être dû à la présence de ces étrangers qui viennent d'entrer dans le flux sanguin, là. Ils sont tout bleus et tout brillants. Ça me rappelle quelque chose, mais ils me font beaucoup plus peur cette fois. Les molécules d'épices de l'eau de la vie, sous la forme d'un poison mortel. Oui, regardez comme les lymphocytes sont impuissants face à leur progression. Nous plions, nous sommes débordés de toutes parts. Nous ne pouvons rien faire. Tous avec moi, mes frères lymphocytes. Mon Dieu, il faut que je fasse vite. Fais bien ce que tu voudras, mais grouille-toi. Mais que cette voix venait de... d'un navire submersible avec un homme à l'intérieur. Mais qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Tuck Pendleton. J'ai été miniaturisé. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je sais seulement que j'étais dans une seringue et me voici dans ton corps. Quoi? Mais j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça, moi. Oui, c'est pas très agréable. Il faudra vraiment que je fasse le ménage ici quand tout sera terminé. Bon, restons cool. Le temps s'est ralenti. C'est mon corps qui s'est mis en mode survie le temps que je transmute le poison. Faisons vite. Voyons voir. Oui. Déplaçons cet atome d'oxygène. Il me faut du carbone. Du carbone. Du carbone, bordel. Ah, voilà. Liaison avec l'oxygène établie. L'hydrogène, maintenant. Et voilà. Bonjour, madame. Merci de m'avoir rendu inoffensif. Il m'aurait chagriné de devoir détruire un si bel organisme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Merci à toi. Tu vas être le catalyseur. À toi de transmettre la transformation à tous tes camarades pour que le poison devienne une simple drogue aux vertus télépathiques. À vos ordres. Nous sommes sauvés ! Wow ! Je sens que Shani, là-haut, dans le monde réel, est en train de récolter une goutte du catalyseur pour transformer l'outre d'eau de la vie. Ils doivent désormais savoir que j'ai réussi. Oui, ma fille. Je te félicite. Révérende Mère Ramalo ? C'est vous ? Mais vous êtes si jeune ! C'est à ça que je ressemble vraiment. Ma représentation intérieure, si tu veux. Mais il faut se grouiller, ma fille. Mon corps est en train de mourir, là-haut. L'eau de la vie transformée a établi une connexion psychique entre vous. Et je vais à présent te faire cadeau de ma mémoire et de celle de nos sœurs qui m'ont précédée. Prépare-toi, ça va être intense. Je suis prête. Très bien. Alors allons... mais... comment ? Non. C'est pas vrai. T'as pas fait ça. Oh, sombre idiote, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Quoi ? Tu es enceinte ? Mais pourquoi tu nous l'as pas dit, triple buse ? C'est une catastrophe. Une catastrophe ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent dans ton école du chapitre, hein ? Tu n'as jamais entendu parler de l'abomination ? C'est un rapport avec le Yeti ? L'abomination ! Tu as déjà de la chance que ce soit une fille. Un garçon n'aurait pas survécu à la transe de l'épice. Mais les vies que je vais te donner, ta fille va les recevoir aussi. Ainsi que la mémoire génétique de tous ses ancêtres. Elle va devoir se coltiner toute une ribambelle de persona alors qu'elle est encore dans la matrice. Sans avoir eu le temps de développer sa propre conscience. Sans aucun socle solide pour sa propre persona. Oh, mais tu te rends compte de ce que ça peut lui faire ? Imagine que tu aies des ancêtres malveillants. Ils pourraient tout simplement la posséder. J'ai un peu de sang Harkonnen pour rien vous cacher. Eh ben, nous voilà pas sortis du sable. Bah, sur Arrakis en même temps... Assez ! Faisons en sorte de sauver le psychisme de ta fille. Vite, Commençons le transfert. Oh là, oh là, attendez, je suis pas prête. Ouch ! Mais c'est un véritable tsunami de souvenirs que vous m'envoyez, là. Et ce n'est que le début. Focalise-toi sur la petite et essaye de la protéger et de la rassurer. C'est quoi ce bordel ? Mais merde, elle est déjà consciente ! Maman, c'est toi ? Enchantée. C'est un peu le rush, là, mais on en discutera après, si tu veux bien. Y avait pas moyen de me laisser ronquer tranquille ? J'en avais encore pour plusieurs mois, non ? Oui, bah y avait pas trop le choix, alors va falloir faire avec. Encaisse avec moi, ma fille. Et, si tu vois un gros monsieur dégoûtant qui te demande s'il peut loger dans ta tête, tu lui dis non, d'accord ? D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais, c'est pas juste. Je reviendrai. Concentrez-vous. Déjà, ma conscience s'étiole. Je me déverse en vous, les filles. Bon courage pour la suite. Adieu. Adieu. Et merci. Elle revient à elle. Jessica de l'étrange est passée au-dedans et a remplacé feu la révérente mère Ramalo. Que l'on apporte sa dépouille au distil de mort. Eh bien, ils perdent pas de temps. L'eau a bien été transformée, mère. Oui, les Fremen peuvent avoir leur petite orgie. Buvez et partagez, mes frères et mes sœurs. Que la fête commence. Toi aussi, Uzu, tu dois boire. Mais qu'est-ce que ça va me faire ? Nous nous ressentirons tous les uns les autres. Un lien s'établira entre nous, que nous appelons Tau. Cela nous renforcera pour l'exode qui se prépare. Bon, d'accord. Mère, vous allez bien ? Autant que faire se peut. Je t'expliquerai. Vous êtes sûr que je peux boire ça ? Oui, mais fais attention. Entrer dans la tête de quelqu'un d'autre, ça peut secouer un peu. Dépêche-toi, Uzul. Tu retardes le rituel. Bon, bon. Eh bien, à la vôtre. Si je suis vraiment le kiwi qui a des croûtes, il faudra un jour que je passe par la même épreuve. Aucun mal n'a jamais réussi à transformer l'eau de la vie. Suis-je l'élu ? Bon sang. Mes visions du futur deviennent plus claires avec ce truc. Qui c'est celui-là ? Je te tuerai ! Feidrota. Mon ennemi. Et ces batailles qui n'ont pas encore eu lieu. Ces planètes recouvertes de cendres. Ces millions de Fremen qui déferlent sur les mondes de l'Imperium. Longue vie aux combattants de Muad'Dib ! Purifions l'univers ! Le djihad. Viens avec moi, Uzul. Suis-moi dans cette alcôve. Tu nous fais voir des choses, Uzul. Le djihad. Un simple mirage. N'y prête pas attention. L'avenir nous appartient désormais. Je le sais. Tu nous l'as fait voir. Si seulement. Je t'ai vu en rêve, Shani. Tu es Syria. Le printemps du désert. Tiens, c'est gentil, ça. Viens plus près, grand fou. Mais tu te trompes, Syria. L'avenir ne nous appartient pas. C'est lui qui nous possède. Fin du livre second. Ne manquez pas le prochain épisode de Dune. Épisode 17. Désaveu. J'ai une réplique, mais je gueule. Donc allons-y. Longue vie aux combattants de Muad'Dib. Purifions l'univers. Je ne vois pas... Messieurs, je ne vois pas des gens pompeurs, je ne vois pas des fermiers, je ne vois pas des artisans, des boulangers, je vois des soldats. Vous êtes tous des soldats, et aujourd'hui, on combat pour la liberté. Longue vie aux combattants de Muad'Dib, purifions l'univers.